Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. On va faire aujourd'hui une incursion du côté des sciences sociales avec une étude sur les habiletés d'écriture et nous verrons qu'elles ont un lien avec les habiletés langagières des tout-petits. Sophie Aubé, qui est doctorante à l'école de psychologie de l'Université Laval, nous racontera tout ça à 18h30. Mais pour le moment, on va prendre un bain de soleil avec Daniel Filion. Il est étudiant à la maîtrise en chimie, membre du groupe de géochimie aquatique de l'Université Laval et associé à l'Institut nordique du Québec. L'automne dernier, il était venu nous parler de la chimie des lacs arctiques. Donc aujourd'hui, il vient nous donner un point de vue ensoleillé sur la chimie ou comment le soleil joue avec la chimie de la Terre. Bonjour Daniel. Bonsoir Valérie. Alors Daniel, la dernière fois, en fait, tu étais venu, tu nous avais parlé de mare thermokarstique. Exactement. Qu'est-ce qui se passait? Tu nous avais défini ça comme étant un peu une soupe chimique, il se passe plein de choses. Là. Mm-hmm. Aujourd'hui, donc, tu veux nous donner un aperçu plus vaste de ce que comment le soleil influence la chimie sur Terre. Oui, tout à fait. Donc, j'étais venu parler de ces fameux composés organiques volatiles qui sont émis des mares suite aux réactions photochimiques. Et je trouvais l'idée élégante de pousser ce sujet au niveau suivant, en fait, étant donné que je n'avais parlé un peu la dernière fois, mais le soleil est, bon, on le sait, absolument fondamental pour la vie sur Terre, plusieurs processus photochimiques, mais c'est quelque chose qu'on prend des fois pour acquis. Hein. On a tendance à l'oublier un peu. Donc, après 2 ans de maîtrise à parler, à lire sur le soleil, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs exemples comme ça dans la vie, des exemples parfois évidents, des exemples un peu moins évidents, et qui nous rappelaient à quel point le soleil était si important. Et en fait, en guise d'introduction, on parle de radiation solaire, mais je voulais en fait définir un peu quoi, parce que, bon, je voudrais surtout pas assumer certains détails qui sont pas si évidents, en fait. Et la radiation solaire, moi, je sais pas vraiment ce que c'est, d'ailleurs. Ouais, ben en fait, c'est ça. Donc, on sait que la lumière est une onde, puis qu'on peut la caractériser selon sa longueur d'onde. Et donc, il y a différents types de lumière. Il y a différents types de lumière qui sont liés à différents types d'énergie. Donc, par exemple, le soleil émet la lumière visible. Ça, c'est la lumière qui nous permet de voir, donc ça, c'est probablement la plus connue. Il y a également de la lumière infrarouge, celle qui est associée à la chaleur. Il y a la lumière ultraviolette, celle dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a également d'autres sortes de radiations un peu plus énergétiques, comme les rayons X, la radiation gamma, qu'on connaît entre autres pour être un danger pour les astronautes dans l'espace, par exemple. Mais évidemment, cette lumière-là qui frappe la planète, ben c'est pas la même qui nous parvient sur la surface. C'est que durant sa traversée dans l'atmosphère, ça va devenir une espèce de course à obstacles. En fait, il y a des molécules comme par exemple l'ozone. L'ozone va absorber l'ultraviolet. Les gaz à effet de serre qu'on connaît, qu'on commence à bien connaître, eux absorbent la radiation infrarouge. Puis donc, quand la lumière finalement se rend à la surface, on a une composition qui est principalement de la lumière visible, évidemment, de la lumière infrarouge et de la lumière ultraviolette, qui est celle qui est un peu plus énergétique, et c'est elle qui fournit l'énergie à des molécules pour initier des réactions chimiques. Et puis, la première idée que je voulais vous partager, en fait, on est dans la bonne saison pour ça, et en fait, c'est l'heure parfaite pour ça, puisque on est l'hiver, autour de 18h, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, le soleil se couche assez tôt. Mais en fait, une question que j'aurais pour toi, Valérie, c'est est-ce que tu trouves, toi, que l'hiver, tu te sens moins productive, moins d'énergie, peut-être? Je le sens un peu à l'automne, quand les journées raccourcissent. Ouais. Exactement, et c'est pareil pour moi, en fait. Donc, aussitôt qu'on connaît l'hiver comme étant cette saison un peu plus déprimante, puis cette idée-là, lorsqu'on scrute un peu la littérature, c'est une idée qui est quand même assez ancienne. Mm-hmm. Un certain Hippocrate, avant Jésus-Christ, aurait amené cette idée-là, cette relation-là entre l'hiver et cette espèce de sentiment dépressif-là. Du moins, c'est ce qu'on peut sous-entendre lorsqu'on lit ses écrits. Mais ça s'explique par la chimie, en fait. Donc, la radiation solaire, lorsqu'elle pénètre nos yeux, hein, lorsqu'on la voit, en fait, ça va stimuler la production de neurotransmetteurs, qui sont nos messagers. Donc, ce sont des substances chimiques qui vont véhiculer des émotions, puis qui vont être associées à certains sentiments. Puis, il y en a une qui s'appelle la sérotonine, qui va être stimulé, qui va avoir une augmentation lorsque on va avoir des photorécepteurs qui vont être stimulés. Donc, être exposé à la radiation solaire a un lien avec une augmentation de sérotonine. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur associé à l'humeur, à l'appétit, au sommeil aussi. Donc, ce qui arrive l'hiver, c'est que, comme tu l'as dit, les journées sont plus courtes, il y a moins de soleil. Donc, on est aussi plus souvent dedans. Donc, il fait froid, donc souvent on est plus en dedans. Et ça fait qu'on est moins exposé à la radiation, ce qui fait qu'on a moins de sérotonine. Et au final, on a cette espèce de sentiment-là de... peut-être dépression, mais surtout un peu plus négatif. Un peu morose. Ouais. Exactement. Donc, un des mécanismes, c'est ça. Donc, c'est cette espèce de... l'augmentation de l'activité de certains photorécepteurs qui jouent sur la régulation de la sérotonine. Donc, le soleil, là, finalement, ce qui nous arrive comme lumière, alors peut-être pas les UV, parce que si on les prend dans les yeux, c'est peut-être pas très bon. En effet. Donc, l'autre partie du spectre, la lumière visible, qui nous arrive dans les yeux, nos photorécepteurs perçoivent ça, et ça déclenche donc une cascade chimique. C'est ça. Et la synthèse de sérotonine. C'est ça, entre autres. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres neurotransmetteurs, il y a d'autres hormones qui sont également gouvernées par cette réception-là de lumière. Mais la sérotonine serait celle qui est vraiment associée à cette... ce sentiment-là qu'on a. Donc, tu n'es pas la seule. Je suis aussi victime un peu de ce sentiment négatif-là durant la saison hiver. Je dirais que c'est surtout l'automne, parce qu'après, à l'hiver, quand la neige arrive, il y a un tapis blanc qui met de la lumière quand même. C'est ça, on devient aussi habitué. Ouais. Un autre exemple d'un effet de la chimie, c'est celle de... et en fait, ceux qui sont comme moi vont être très familiers avec l'effet du soleil, c'est sur la chimie de la peau. Donc, on est au courant que les coups de soleil sont quelque chose qui arrive si on n'est pas si on fait pas attention durant l'été. Ça se transforme en écrevisse. Ouais, exactement. Donc, j'ai déjà des souvenirs douloureux d'un voyage en Floride. Donc, en fait, on peut aller plus loin en fait que caractériser la lumière selon la radiation ultraviolette, visible, tout ça. La radiation UV se divise elle-même en différentes lumières et la simple différence entre ça, c'est des niveaux d'énergie. Donc, on a l'UVA, par exemple, on a l'UVB, l'UVC. Et l'UVA et l'UVB sont celles qui sont les plus importantes en ce moment. L'UVC est complètement absorbé dans l'atmosphère, donc à la surface, c'est pas quelque chose qui est pertinent. Et l'UVA a un peu moins d'énergie. Donc, lorsqu'elle frappe la peau, elle va se rendre un peu plus loin dans la peau, en fait. Donc, elle va traverser au complet l'épiderme, qui est la première couche, et elle va se rendre jusqu'au derme, où est-ce qu'elle va être finalement absorbée par des fibres élastines. Puis ça va dégrader ces fibres-là, qui sont associées à une certaine rigidité. C'est ce qui donne, en fait, la rigidité puis une certaine structure à la peau. Donc, en les dégradant, ça laisse la peau un peu plus... ça laisse ces fibres-là en fait plus désorganisées, puis avec le temps, c'est ce qui peut expliquer les cernes, puis la peau un peu plus ridée, puis une espèce on dirait qu'on est un peu plus âgé prématurément, là. Donc ça, c'est dû à l'UVA. L'UVB est un peu plus énergétique et celle-ci ne se rend seulement à l'épiderme. Où est-ce qu'elle est absorbée par l'ADN? Donc ça désorganise et en fait ça décompose l'ADN et on est au courant avec les effets de malheureusement les cancers qui peuvent résulter de ça, les cancers de la peau. Puis en fait ça c'est dû à de la chimie. Donc c'est quoi la structure typique de l'ADN? Quand on pense à l'ADN, on pense à quoi? Une double hélice. Exactement, cette fameuse double hélice qui est composée de nucléotides qui sont ceux qui contiennent les gènes, tout ça. Et la nature étant ce qu'elle est, ces nucléotides-là sont agencés de manière très logique. Donc, tout ça est vraiment prédéfini. Et ce qui arrive, c'est que lorsque l'UVB frappe les nucléotides, il y en a deux. que si vous vous rappelez vos fameux cours du secondaire, vous allez vous rappeler. Donc, la thymine et la cytosine qui sont adjacents, sont un à côté de l'autre, ces deux nucléotides-là. Et lorsque l'UVB les frappe, ils vont se lier chimiquement et ça va créer un dimère de pyrimidine. Et ça, c'est pas normal. Donc, ça devient, au lieu d'être un nucléotide, ça devient deux nucléotides. Donc, lorsque l'ADN, la cellule veut se répliquer, ben là, il y a une anomalie. Ah. Et là, l'ADN, la cellule peut plus fonctionner normalement. Mm-hmm. Évidemment, on a des mécanismes qui réussissent à réparer un peu ces anomalies-là, mais quand il y en a trop, la cellule devient submergée, puis elle ne peut plus réparer tous les problèmes qu'il y a dû à cette absorption du VB-là. Et ce qui arrive, c'est qu'elle va mourir, ou pire encore, elle va se répliquer avec cette anomalie-là. Avec des erreurs. Exactement. Donc là, on a des défauts dans la structure, et c'est là que les mutations génétiques peuvent se dérouler, peuvent subvenir, et éventuellement, c'est ce qui mène aux différents types de cancers. Ah, OK. Donc ça, c'est la chimie, donc c'est la manière chimique d'expliquer les coups de soleil, parce qu'évidemment, lorsqu'on a des problèmes comme ça au niveau de l'ADN, ben ça va déclencher une réponse inflammatoire du corps. Donc là, on va avoir les symptômes classiques, là. On va avoir les rougeurs, la chaleur, tout ça. Ça va expliquer tout ça. Donc, et voilà, la chimie de la peau est également influencée. Ça, c'était peut-être l'exemple qu'on connaît le plus. Et voilà, et puis on peut prendre la crème solaire, hein. On peut appliquer de la crème solaire. Donc qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on applique de la crème solaire? Ouais, ben en fait, la crème solaire contient des molécules qui vont absorber ces UVB-là à la place que ce soit l'ADN. Donc, c'est comme un espèce de filtre à radiation ultraviolette. Donc, ça nous permet de nous protéger de cette manière-là. Donc, ça les absorbe à la place de l'ADN. Donc, ça nous protège. Ça nous protège comme ça. Est-ce que c'est pour ça qu'elle est blanche, cette crème-là? Les crèmes UV, des fois, sont blanches. Est-ce que la couleur blanche a un rôle à jouer? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a une partie un peu plus cosmétique, donc une manière de faire ces crèmes-là, de traiter ces crèmes-là qui ne m'est pas tant familière, donc je ne pourrais pas m'avancer sur ça, mais il y a définitivement un lien entre la couleur et son rôle d'absorption, là. Donc, maintenant que j'ai parlé de ces exemples-là qu'on connaît peut-être un peu plus, on va rentrer un peu plus dans le cœur de la chimie. La radiation solaire peut provoquer des réactions photochimiques et ça peut influencer la chimie de plusieurs éléments chimiques, à commencer avec le carbone. D'accord. Donc là, on n'est plus dans le corps humain, là? On sort davantage? C'est ça. Et là, on s'en va directement dans l'environnement. Donc, dans l'environnement, le carbone, on le retrouve surtout sous forme de matière organique. C'est ce dont j'avais parlé un peu plus à la dernière fois. Mais, donc, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, une plante meurt? Elle va commencer à se décomposer, tout ça. Et ces produits de décomposition-là, souvent, c'est des grosses molécules un peu indigestes. C'est des grosses molécules ramifiées, complexes. Puis, elles vont absorber. Il y a certaines molécules qui vont absorber la lumière ultraviolette. Et ça va déclencher une nouvelle réaction, une réaction de photolyse. Et une réaction de photolyse, l'analogie avec un casse-tête est relativement bonne pour l'illustrer. Donc, disons qu'on fait un bon casse-tête, là, disons, mettons un 2000 morceaux, là, je sais pas si c'est bien gros, mais mettons un 2000 morceaux, puis qu'on prend ce casse-tête-là, qui est un peu l'analogie avec une molécule qui serait quand même grosse, quand même complexe. Qu'est-ce qui arrive si on saute sur ce casse-tête-là avec nos pieds joints, là? Ça va briser partiellement le casse-tête. Ça va pas le briser en 1000 morceaux, quand même, mais ça va briser certains morceaux. Donc, on va avoir des produits de décomposition, hein, si on continue avec l'analogie. Mais on va quand même retrouver dans les produits des morceaux de casse-tête uniques, hein, l'unité de base. Et ça, c'est du CO2. Donc, quand on décompose suffisamment le carbone, ça donne du CO2 qui est émis dans l'atmosphère et qui va contribuer au réchauffement climatique. Quand on décompose la matière organique. C'est ça, exactement. L'oxydation ultime donne du dioxyde de carbone, le CO2. Mais quand même, il y a certains produits de intermédiaires, si je peux dire. Et pour que ces réactions se produisent, il faut que le soleil ait accès au sol, ou du moins au système aquatique. Et ça peut sembler un peu bête, mais avec les changements climatiques en ce moment, on observe de plus en plus, par exemple, de pertes de végétation. Par exemple, il y a des feux de forêt. Donc, à ce moment-là, on perd la végétation. Il va y avoir des sécheresses. Encore une fois, ça peut tuer une partie de la végétation. Donc, tout ça fait que ça s'accumule sur le sol. Et là, on commence à voir que le sol est de plus en plus exposé à la radiation. Donc, ce phénomène photochimique-là est prévu pour devenir de plus en plus dominant dans le futur. Du moins, c'est ce que les nouveaux articles scientifiques semblent prédire. Donc, il faut pas le négliger. Et dans l'Arctique, on sait que les hautes latitudes, ce sont les endroits où le réchauffement climatique se fait le plus sentir. En fait, ça va deux fois plus rapidement en Arctique que dans le reste du monde. Et donc, on perd une partie de la cryosphère, donc le monde gelé de la planète. Donc, par exemple, le couvert de glace sur les lacs est plus court. Donc, la glace arrive plus tard dans l'année, disparaît plus tôt. Donc, la matière organique dans les lacs est exposée plus longtemps. Un peu comme les sols dont je parlais tout à l'heure. Le pergélisol dégèle, donc ce sol qui est supposément gelé en permanence dégèle. Toutes sortes de matières organiques là-dedans aussi qui est relarguée dans l'environnement. Et donc, tranquillement, on se rend compte que ces phénomènes photochimiques-là s'accélèrent. Et puis, un autre effet sur les éléments chimiques, c'est pas seulement le carbone, c'est sur les contaminants. Mm-hmm. Alors, donc, on va résumer un petit peu ce qui se passe parce que tu as donné beaucoup d'informations là, sur la dégradation du carbone. Donc, en fait, c'est que toute cette matière organique, bon, elle est composée de molécules organiques avec beaucoup de carbone. Mm-hmm. Là, le soleil, là-dessus, il arrive là-dessus, il fait de la photolyse. Donc, la lyse par la lumière et ça dégrade en CO2. Et là, tu dis qu'avec les changements climatiques, il y a de plus en plus de végétation qui va être amenée à mourir. Par sécheresse, par feux de forêt. Donc, cette activité du soleil, la photolyse du soleil là, sur cette matière organique va s'amplifier. Entre autres, donc c'est un des effets qu'on peut prévoir, étant donné que si on a plus de sol qui est exposé au soleil, on peut s'attendre à avoir un peu plus de réactions de photolyse qui se produisent. Puis, ces produits de photolyse-là sont pas tous connus. Il y a le CO2 qui est certainement connu, mais il y en a d'autres qu'on est moins familier avec. Il y en a d'autres qui sont éventuellement volatiles aussi dans tous ces autres produits de dégradation. Il n'y a pas que du CO2, il y a d'autres choses qui vont aussi... On ne sait pas ce que c'est, puis ça va peut-être aller. On a une certaine idée, il y en a certains qu'on connaît, mais on ne les connaît pas tous. Puis éventuellement, même ces composés-là dans l'atmosphère, un de leurs devenirs, c'est d'être eux-mêmes oxydés en CO2. Donc ce serait comme une réaction retardée d'émission de CO2. Là. Exactement. C'est ça. Des points d'interrogation. Alors je te laisse continuer, là tu es en train d'embarquer sur les contaminants, eux aussi reçoivent l'action du soleil. Tout à fait. Donc, il y a les contaminants. Bon, on utilise beaucoup de plastique, par exemple, ici. Puis, évidemment, éventuellement, ça peut rejoindre l'environnement lorsqu'il y a des déchets, tout ça. Mais il y a également des contaminants environnementaux, comme le mercure. Le mercure est un contaminant, c'est un métal toxique qui est largement étudié en ce moment dans les environnements arctiques, puisque le mercure a plusieurs espèces. Il peut se présenter sous différentes espèces. Mais l'une des espèces les plus omniprésentes, c'est le mercure inorganique élémentaire, en fait. C'est que ce mercure-là est élémentaire, donc il est neutre. Puis c'est du mercure comme on le trouverait dans le tableau périodique, par exemple. Ça veut dire que c'est juste le métal, là. Il n'est pas associé à aucun autre élément. C'est pas par exemple du mercure oxydé qui aurait une charge plus 2 ou même le méthylmercure qu'on connaît peut-être un peu plus, là. Donc le mercure vraiment inorganique à son expression, disons, la plus simple, est un gaz volatile, donc avec un temps de résidence relativement élevé. Ce qui veut dire qu'il survit quand même longtemps dans l'atmosphère et il peut se faire déplacer sur de longues distances. Donc on le retrouve dans des environnements un peu anodins. C'est pour ça qu'on le retrouve au nord. Je me demande toujours pourquoi est-ce qu'il arrive au nord alors qu'il n'est pas utilisé par l'industrie au nord. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve dans la neige, par exemple, ou dans les systèmes aquatiques dans le nord. C'est parce qu'il traverse de longues distances dans l'atmosphère, étant donné son temps de résidence qui est plus long. Mm-hmm. Et lorsque ce mercure-là arrive dans ces environnements-là, il peut présenter différents dangers. Donc, on sait le mercure pour sa capacité à se bioaccumuler. Donc, il va rester dans les tissus suffisamment longtemps. C'est toxique, donc ça peut présenter des problèmes au niveau de la santé. Mais également, lorsqu'il atterrit dans la neige, il devient exposé à qui? Au soleil. Donc, il y a des réactions photochimiques, encore une fois, qui s'opèrent et qui vont, par exemple, transformer le mercure oxydé plus 2, donc qui aurait une charge électronique plus 2, qui va le transformer en mercure inorganique, encore une fois. Et ce mercure-là serait réémis dans l'atmosphère, et donc il pourrait se retrouver encore plus loin, ou du moins juste se déplacer d'environnement. Le méthylmercure, qui est probablement la forme la plus connue, étant donné sa plus grande toxicité, ben, elle peut se faire déméthyler par la photochimie. Et tout ça, ça reste plutôt complexe, la photochimie du mercure dans les environnements nordiques. Ça dépend de plusieurs facteurs et les scientifiques se grattent encore la tête à comprendre comment tout ça, ça interagit. Mais il y a un dénominateur commun dans tout ça et c'est le rôle un peu, entre guillemets, « driver » du soleil comme source d'énergie qui initie une foule de réactions photochimiques et même les contaminants comme les mercures sont soumis à ça. C'est ça, à chaque fois que tu dis photochimie, il faut avoir en tête soleil qui donne l'énergie pour. Exactement, donc photochimie, c'est de la chimie initiée par la lumière, d'où le mot photo là, juste avant. Donc la photochimie n'a rien à voir avec prendre des belles photos de réactions chimiques, c'est vraiment juste le fait que c'est associé à la réaction initiée par la lumière. Donc encore une fois, différents types de lumière vont donner différents types de réactions chimiques. Mm-hmm. Et après, c'est différentes essences, différentes espèces de méthyle, de mercure, qui vont continuer de se disséminer. Ils deviennent quoi? Est-ce qu'on le sait? Ben, ils ont plusieurs devenirs, donc c'est vraiment compliqué. Là. Il y en a certains qui vont rester dans l'atmosphère, qui vont rester dans la neige, par exemple. Ils peuvent réagir avec d'autres espèces qui sont là. Comme je disais, il y en a une partie qui est réémise dans l'atmosphère. Puis même dans l'atmosphère, le mercure est soumis à la radiation solaire, donc il y a d'autres types de réactions photochimiques qui se produisent. Donc il y a vraiment une espèce de danse entre différentes espèces, différentes spéciations du mercure dues à ces réactions-là, parce qu'on pourrait même faire un lien entre le carbone et le mercure, parce que la matière organique qui est dans la neige, hein, il y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu, ben elle subit des réactions qui peuvent donner des produits qui réagissent avec le mercure. Donc on voit qu'il y a une espèce de synergie qui s'installe entre tous ces éléments chimiques-là, et tout ça est vraiment un peu, c'est vraiment fait par le soleil. Là. Et en quoi est-ce que c'est problématique pour les populations nordiques? Parce qu'elles mangent, est-ce qu'elles s'alimentent, est-ce que c'est au niveau de la consommation d'eau qui contiendrait donc du mercure? Ou est-ce que c'est parce que ces différentes formes de mercure se retrouvent dans le saumon ou dans, entre autres, la viande? C'est ça, tout à fait. Dans les petits fruits, je ne sais pas. Ouais, non. Ben, ça entre certainement dans la chaîne alimentaire et c'est là que ça devient un problème puisque tantôt je parlais que ça se bioaccumulait, donc ça se bioaccumule dans les tissus, mais aussi ça se bioamplifie. Le mercure est un contaminant qui est un peu plate pour ça se bioamplifie, ce qui veut dire qu'il va monter la chaîne alimentaire. Et donc là, à force de manger, on mange quelque chose qui en contient, on devient on en absorbe une certaine quantité. Donc là, si on mange quelque chose qui en contient, on devient exposé, donc ça tu vois, le poisson qui mange le plus gros poisson, puis la proie qui vient manger ça. Donc ça se promène comme ça dans la chaîne alimentaire, et c'est là que ça devient un problème pour les communautés nordiques. Donc c'est un domaine qui est largement étudié en ce moment, puisque justement ça pose un problème direct aux communautés qui s'alimentent de cette manière-là. Ça fait partie de leur culture, donc c'est pour ça que c'est autant étudié. Puis, comme tu dis, on le retrouve souvent loin de sa source initiale. Ouais. Donc, il y a vraiment un intérêt sérieux. Ouais. Et est-ce que tu peux revenir brièvement? Pourquoi est-ce qu'on le retrouve de loin de sa source initiale? C'est parce qu'il est gazeux? Oui, tout à fait. Donc, il est sous sa forme inorganique simple. C'est un gaz, donc il est volatile. Donc, il est dans l'atmosphère de manière spontanée. Puis, il y a un long temps de résidence. Mais il n'est pas liquide parce que dans les thermomètres au mercure, il est liquide. Donc, il est liquide, mais il y a quand même un peu de phase gazeuse qui... Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est ça. C'est que c'est différentes espèces de mercure, en fait. Donc, puis après, on peut jouer avec différents facteurs physiques comme la pression puis la température pour le faire changer de phase, là. Mais naturellement, dans l'environnement, le mercure zéro est un gaz volatile. Okay. Évidemment, lorsqu'on veut l'utiliser pour des applications qui sont un peu plus spécifiques, ben là, on va s'assurer de l'avoir justement dans sa phase, dans une autre phase, mais c'est une excellente question, en fait. Mais c'est ça. Donc, naturellement, le mercure zéro est dans l'environnement et puis il se promène dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans des environnements aussi anodins que ceux en Arctique. Très bien. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation assez inusitée du soleil, du facteur soleil, du rôle chimique du soleil. Merci beaucoup, Ça fait Daniel. Plaisir. Merci à vous. Donc, je rappelle que Daniel est étudiant à la maîtrise en chimie. On a remarqué qu'il a certaines connaissances en chimie, un peu plus que moi en tout cas, et que donc Daniel est membre du groupe de géochimie aquatique de l'Université Laval et associé à l'Institut nordique du Québec.